L'amour, c'est cela. L'amour, ça fait faire des sourires aux sourds-muets, des délires aux freluquets, des empires aux paltoquets. L'amour, c'est l'âme.